Précédemment, dans Hachipawa, à l'école des otaku. Des révélations trépidantes. Tu es un otaku, Hachi. Je suis un quoi? De l'action comme on n'en voit pas ailleurs. Tiens, voilà, c'est Neil. Alors, tu as retrouvé ton MP3? Avec des méchants qui volent des MP3. Bande de kiff. Des moments forts en émotion. Mais alors, ça veut dire que je suis orphelin? Et avec un scénario qui, de toute évidence, m'échappe toujours. Faut dire que depuis le début, pour résumer, je suis parti de chez mon oncle et ma tante pour aller à une école d'otaku. Sinon, non, il ne s'est rien passé, je crois. Si, on est devenus amis, non? C'est quand même pas rien. C'est qu'une intro, hein, je suis pas obligé de répondre. And now, the almost super special awesome season première of Hachipawa and the Otaku Spacemaker. Cause it sounds better in English. Hachi, réveille-toi, on est à la bourre! Ferme-la, il est que 8h du mat. Ouais, bah le cours de la vieille Madame Ingal va bientôt commencer. Parce qu'il y a des cours ici. Au prix où Oncle Venom a payé, il pourrait au moins nous laisser tranquille. Dépêche, Hachi! Ok, je me lève. Ah, au fait, Wersi m'a dit que le mot de passe pour la salle commune des Albators, c'est Kochira Katsushi Kaku Kamaeri Koen Maya Shuchujo. Finon, tu peux raccourcir à Kofi Kame. C'est déjà mieux. C'est le nom du manga le plus long du monde. Il y a plus de 1600 chapitres déjà parus depuis 1976 sur plus de 160 tomes. Non, sérieux, je viens à peine de me lever et tu te la joues à l'mitane? Tu veux manger tes dents ou quoi? Désolé. Allez, on y va. Les cours de cosplay, c'est tout en bas dans le temple du cancer. Quoi? Mais c'est hyper loin. On va être en retard à cause de toi, Owen. Tu saoules. Mais, hé hey. Ah, heureusement que la Vioque n'est pas encore là. Vous êtes en retard, jeunes humains. Baka. Tu crois qu'elle a calé qu'on est en retard? Qui a dit que c'était un cours de clochard? C'est Justin, madame, enfin, cyborg. Enfin, quoi que vous soyez. Justin, Gridou, 2 heures de colle. Même dame, c'est pas moi qui... Quoi? Vous osez accuser Hachi? Lui qui est le sauveur de notre peuple? Et lui, c'est lui, ce n'est pas vous que je sache. Bon, allez vous asseoir tous les deux, avant de commencer le cosplay, un peu de théorie. Oh non... Oh oui! Le cosplay vient d'une contraction des mots costume player. Il s'agit de se costumer en un personnage de fiction. Avant d'aller plus loin, quelqu'un a-t-il des questions? Moi, madame, vous pourriez m'expliquer comment créer un Horcrux, s'il vous plaît? Quelqu'un a-t-il des questions concernant le cosplay? Oui, Miss John? Pourquoi la plupart des cosplayers se déguisent en personnages de Naruto dans les conventions? Ceci est un cours de 4e année, vous le comprendrez en temps voulu. Bon, commençons la leçon du jour. La première chose à faire est de trouver en quoi vous allez vous déguiser pour le bal de Noël. Moi! Mais faites la terre! Je veux être Chun-Li! Et moi, je veux être dans mon lit! En quoi allez-vous vous cosplayer, mon petit choupinou de Monsieur Pawa? Je vous ai dit que j'y connaissais rien en manga, à part vite fait Dragon Ball parce qu'on m'appelle toujours Sangoku à cause de la cicatrice. Vous êtes sûr, Pawa? Vous en êtes vraiment certain? Sûr de quoi? Je vous préviens que Sangoku est le plus difficile des cosplays. Vous voulez vraiment le faire? En quelle transformation? Mais c'est pas possible, vous êtes bouché! Ce que vous me dites, c'est du chinois! Toi, avec les cheveux longs, c'est ça? Mais c'est très osé! Bonne chance, je suis fier de vous! Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? Et d'abord, ils sont où, Dracho et ses potes, là? Les cobras commencent qu'à 10h aujourd'hui. Je savais que j'aurais dû rentrer dans sa bande, ça m'apprendra. Poussez-vous les premières années, sortez à mon cours de manga! Oh, Gastri va me putréfier! Senna, je vous rappelle qu'il est interdit de courir dans les couloirs. Si je vous reprends sur le fait, je devrais encore vous ramener à la salle des tortures. Il y a vraiment une salle des tortures? Mais c'est pas interdit par la loi, ça? Plus depuis l'accident. Ah, vous voulez parler du spectacle des 2e années qui a mal tourné il y a longtemps? Je ne suis pas prêt de l'oublier. Et ce billet, ils m'ont détruit une partie du yacht. Ils ont pris une semaine de cachot. Je vous ai à l'œil, tous les trois. Le premier qui sort des sentiers battus, ce sera lui qui sera battu. C'est l'heure du cours d'animé. Entrons vite pour avoir de bonnes places. Perso, je vais au fond de la salle. Je suis le GPS, le grand professeur Snap. Il n'y aura pas de bavardage dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à la rigoureuse de l'univers des animés. Oh, mais qui voilà? Monsieur Powa, notre nouvelle célébrité? Powa, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel épisode de Yakitet et Japan est les questions de bambou? Ou de quoi? Je vois. Essayons encore. Quelle est la différence entre la série Full Metal Alchemist et Brotherhood? Non, je vote pas, désolé. Et dans Souvenir goutte à goutte, qui est la Seiyuu de Taiko enfant? Je sais, moi! J'ai rien compris à la question, monsieur, mais apparemment Almitan le sait. Vous aurez peut-être plus de chance avec elle. Taisez-vous, insolent! Un point de moins à Albator. Et c'est pareil pour vous, monsieur, c'est tout. Pour votre information, monsieur Powa, il s'agissait de l'épisode 56 de Yakitate Japan, plus connu en France sous le nom de Un Pain, c'est tout. Full Metal Alchemist Brotherhood est l'adaptation qui suit scrupuleusement le manga papier et qui me remplit de joie, contrairement à l'autre horreur qui, certes, avait des openings et des endings intéressants, mais qui est une honte du point de vue scénaristique. Si par ailleurs il pouvait faire la même chose pour Samurai Deeper Kyo, cela m'éviterait d'arpenter l'école le soir pour détruire les DVD que les élèves idiots osent ramener de chez eux. Et pour finir, les Seiyuu sont des doubleurs d'anime qui ont aussi d'autres talents, et celle du fameux film de Miyazaki est évidemment Yuko Onna. Bande de bouseux! Encore ce satané mal fait! Kid, ta famille est fait tellement haute aux otaku que j'ai entendu dire que tu étais tellement pauvre que tu pouvais même pas t'acheter des DVD neufs! En plus, avec cet ignorant de Pawa, vous faites vraiment la paire! Dracho mal fait! Je ne tolérerai pas un tel comportement dans ma classe! Que quoi? Vous êtes mon professeur principal? Vous êtes censé m'aider à éjecter ces raclures de Jobert? Ce n'est pas parce qu'ils sont complètement idiots qu'il faille forcément les virer! Un jour, il y a un élève qui m'a demandé si Bleach était le nom d'une marque de lessive. Et pourtant, elle a réussi son brevet universel de légendaire otaku à l'épreuve d'animer avec mention. Non. De toute mon âme, je les aiderai à finir moins imbéciles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Car je suis le Great Professeur Snap. Quel beau métier, professeur. Vous avez de la chance pour cette fois, les campins. Mais la journée n'est pas finie. Enfin la bouffe. Ah, pas trop tôt. Y a rien de mieux que le goût de Mont-Blanc. C'est pas faux. Ce qui me rassure, c'est qu'on n'aura plus beaucoup de cours avec Snap de l'année. Mais non, c'est noté sur l'emploi du temps qu'on l'a jeudi à 15h. Peut-être, mais tu crois vraiment qu'on va avoir droit à tous les cours de l'année dans une saga MP3? Franchement, ça aurait pas vraiment d'intérêt. T'as sûrement raison, comme d'habitude. Ah, voilà tes frères, Ronald! Salut, World. Salut, Fred. C'est Wed, Hachi. Désolé. On vient de recevoir un email, là, et maman, elle nous a déjà privé de sortie au village de préhistoire. Et qu'est-ce que vous avez fait? On a piraté l'ordinateur de Ruzard Gay, et on a piqué un fichier exécutable qui contient une carte de Jobar avec tous les élèves qui se déplacent en temps réel. Ah oui! Dans l'histoire de Jobar, j'ai appris qu'on implantait un émetteur dans chaque bandeau ninja des étudiants jusqu'à leurs 17 ans. Exact, et du coup, on a juste eu le temps de faire une copie sur une clé USB et de la cacher, et on s'est fait prendre par Ruzard Gay. On reconnaît bien les concierges à leur avidité. Donne-moi la clé, Wed, je vais t'en débarrasser. Merci, Hachi, toi t'es un vrai ami. Quoi qu'il en soit, voilà l'email. Merci. Alors, la première partie les concerne... Ah, maintenant c'est moi. Elle écrit « Espèce de gamin dégénéré, ton père a créé un prototype de voiture volante comme dans la série Mask. Je te préviens, je sais déjà que tu vas la voler l'année prochaine, alors t'es privé d'argent de poche pendant 3 mois. » Oh non! Pas de bol! Tiens, regarde là, il y a une partie qui concerne Hachi. Voyons voir. Dégage ta sale tronche de puceau de la One et laisse-moi parler à Hachi. Ah, en effet, c'est ma petite sœur qui veut te parler. Ok, alors... Salut Hachi, c'est moi Winnie, on s'est croisés hier. Je ne peux plus me passer de toi, attendre encore un an avant d'être à tes côtés est une véritable torture. Surtout ne te fais pas draguer par d'autres, car plus notre idylle avance, plus de filles entrent dans la danse. Le reste est une lettre d'amour sans intérêt. Mais tiens, voilà une bombasse de chez les Silver Oaks qui est derrière moi. Nom d'un beignet de poulpe, c'est une deuxième année. Matez-moi la bise. C'est vrai que son kimono est décolleté. Je ressemblerai à ça dans un an? Salut, moi c'est Gou. Gou? C'est bien ça, Roman de mon nom de famille. Et je précise que c'est thaïlandais. Ah ouais, ça fait gourme. Je te prie de ne pas finir ce jeu de mots stupides. Par contre, tu peux continuer les contrepétries. Hé, c'est vrai que c'est marrant. Mais dis donc, je sens des frétillements sous le nombril. Salut, poulette. Ça te dirait que je te montre ma musculature de rêve? Oh non! Revoilà cet idiot de No! Oula, je pense avoir trouvé qui est le chinois manquant de l'évolution. Moi, je ne m'intéresse qu'à Hachi. T'as entendu la demoiselle? Alors dégage. Je te laisse toutes les nanas de l'école, mais pas touche à goût. Ah, et puis je mets une option sur ta sœur aussi. Ah ouais, je vois, monsieur se réserve la plus jolie de l'école. C'est pas grave. À moi les filles! Alors c'est toi, Hachi Pua. T'es célèbre? Ouais. T'es riche? Ouais. On sort ensemble? Ouais. Ok, allons nous isoler un peu dans le parc. D'accord, on se revoit tout à l'heure, Nitan. Quand tu parlais du parc, je pensais pas vraiment au toit du temple du cancer. Je viens ici pour fumer tranquille. Tu fumes? Mais c'est interdit dans les lieux publics depuis le 1er janvier 2008. Oh, mais si tu n'aimes pas ça, j'arrête aujourd'hui même. Si elle pouvait tout être comme ça. Bref, où est mon cadeau? Un cadeau? Ah bah oui, évidemment, pour le premier rendez-vous. Eh bien, tiens, voilà le nouveau CD d'une chanteuse qui apparemment s'appelle Boa et que je n'ai absolument pas volé à un bisounours de première année pendant le cours de cosplay. Super! Comme tu es plein d'attention. Pas comme tous ces gars qui matent sous mon kimono dans les escaliers. Viens par là, mon petit Hachi-chan. Ah, bon. Et maintenant, Jin de la lampe, fais mon devoir de maths. Oui, maîtresse. Alors, Hachi, c'était comment ? Mouillé. Ah bah oui, elle a dû pleurer. La mort imminente de son ex-futur petit ami a dû l'affecter. Non, c'était juste mouillé. Bref, nous voilà au temple du Chevalier du Lion. Bienvenue les premières années. Nous allons étudier à présent les jeux vidéo. Tout d'abord, nous allons tester un peu vos connaissances. Monsieur Samus Polygame, pouvez-vous me dire quel est le jeu qui... Counter-Strike. Exact, bravo. Et celui qui attire le plus... World of Warcraft. Oh, très bien. Je vois que vous avez de très bonnes dispositions en la matière. Encore un Segro Geek. Je suis né une mère otaku, d'ailleurs, mais je préférais son King of Fighters 98 et Sakura Taisen. Man, et t'en fais quoi de Banal Fantasy? Ah, celui-là, je le connais. J'imagine bien la tête de mon cousin Midley s'il savait que c'est un jeu japonais. C'est bien, mes enfants. Nous allons débattre de tout cela plus tard. Pour l'instant, prenez les manettes sans fil que je vous ai distribuées sur vos tables. Et nous allons débuter un tournoi de bienvenue sur Super Smash Bros. Ah, et cela compte d'ailleurs pour 30% de votre note du premier semestre. Battez-vous bien. Hein ? Alors, Hachi, t'as fini combien déjà ? 12ème sur 30, mais en fait, j'ai pas compris comment j'ai fait. Psst, la chance du débutant. Moi, j'ai fait 16ème. Et moi, je suis première ! Samus a beau avoir de la dextérité, je me suis entraînée tous les jours sur ce jeu pendant les vacances. En fait, j'ai fini tous les jeux du manuel de première année. Vous feriez bien travailler un peu, vous deux. C'est pas avec vos piètres scores qu'on gagnera la Coupe des 4 Temples ? Ouais, c'est noté. On a quel cours, là ? Sport, avec Madame Bidoche. Enfin, un truc où je serais pas trop nul. Tiens, on va à l'intérieur d'abord. On commence probablement par du sport à l'intérieur. Ou alors ça va être encore de la théorie. Bonjour à tous. Bonjour Madame Bidoche. Entrez dans la salle et asseyez-vous autour de la mini-arène au centre. Bien. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du jeu favori des otaku, le Angelic Killer. Il s'agit d'un sport dans lequel les personnes réelles se transposent dans des genres de poupées qu'on surnomme les anges. Ça va trop vite pour moi, madame. En effet, j'ai bien vu ce genre de truc à Londres, mais va falloir m'expliquer, là. J'allais y venir, Poa. Ne m'interrompez pas. Eh bien, si vous connaissez le manga Angelic Liar, vous avez un peu le même genre de combat. Bon, vous avez lu Evangelion ? Ben c'est pareil, c'est compliqué. Sinon, comment vous expliquer ça ? Vous avez peut-être vu Avatar dernièrement. Donc, des otaku sont reliés par des casques à leurs anges et peuvent ainsi contrôler mentalement ces mouvements. À la base, il s'agissait de vulgaires combats qui opposaient des joueurs. Mais maintenant, nous avons inventé des règles avec des ballons et autres pour qu'on puisse réellement le qualifier de sport. Mettez tous un casque de réalité virtuelle à présent. Je vais placer un ange pour chacun d'entre vous et vous allez vous exercer. Pour le monter sur ses pieds, il faut simplement dire à haute voix « debout », pour les débutants en tout cas. Ensuite, il suffira de l'imaginer tout simplement. Bon, alors me voilà dans un genre de poupée à l'effigie d'un type plutôt balèze, et d'après ce que je peux voir sur la couture, nommé Manji, l'habitant de l'infini. Pas mal, mais ils ont dû l'acheter en occasion. Il s'est filé de partout. Bon, alors il faut se lever. Debout ! Oh ! Monsieur Poa a réussi du premier coup ! Bande de nazes ! Debout ! Tiens, ça sent bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui crame. C'est génial, madame ! Il se fait électrocuter par la machine ! Monsieur Nozaba ! Oh mon dieu, un court-circuit ! Bon, je l'emmène à l'infirmerie, hein. Posez-moi ces casques et ne les remettez plus. Le premier qui désobéit sera viré de l'école avant même d'avoir eu le temps de dire slam dunk. Mais quel nulard, ce Gus ! Ferme-la, malfait. Bah ouais, j'ai pas digéré le coup de tout à l'heure. Alors maintenant, c'est toi et moi dans l'arène. Ok, je vais t'exploser la tête à coup de sabre. Mille millions de villes à bord. Vous avez pourtant bien entendu ce que Madame Bidoche a dit. Réponds pas à ces provocations, Hachi. On a peur, Pawa ! Et ta sœur, elle balbeur ? Il est mal poli en plus ! Tu sais quoi, Pawa ? En fait, c'est moi qui volais le MP3 du voleur ! Sérieux ? Super spécial rebondissement ! Ya ! Jikaku de salle de la mort qui tue ! Tu ne l'emporteras pas au paradis ! Technique du coupé la terre ! Méga esquive ! Coup de boule disco ! Et pour finir, technique ultime du dragon divin ! Stop ! Qu'est-ce que... Professeur Snap ? Quand vous êtes-vous transféré dans le jeu ? Bah ouais, je ne vous laisserai pas tuer à chaud ! Tu sais, j'ai laissé la vie ! Mais... quoi ? Ceci est une technique interdite ! Je ne sais pas comment on l'avait apprise, mais moi, vivant, je ne laisserai pas un élève se faire tailler en pièces. Mais je comprends pas, c'est un jeu pourtant. Oh non, ça n'a rien d'un jeu. Plus depuis la version 5.0 en tout cas. Vous allez avoir de gros ennuis pour moi. Et d'ailleurs, je vais aller en informer le directeur. Vous allez débarrasser le plancher plus vite que vous êtes venu. Sauf que Pawa est sous ma responsabilité. Je suis son professeur principal. Venez avec moi, Pawa. Professeur, je vous jure, j'y suis pour rien. C'est comme si j'étais contrôlé par quelqu'un d'autre. Assez, vous aurez la punition que vous méritez. Oh, ça oui. Mais en attendant... Professeur Kigel, puis-je vous emprunter la brute, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr. La brute? Vous allez quand même pas me passer à tabac? Oh ouais, je vous présente Yo, la brute. Avec un H à la fin de Yo, c'est plus classe. La brute, je vous ai trouvé un speed jumper. Dans le prochain épisode, Sénil est toujours dans le coma. Les étudiants de Jovar partent en voyage scolaire sur une île paradisiaque. Snap leur apprend finalement que c'était un battle royal. Et Harit se fait encore recaler à l'examen de conduite de Mecha.